Quand vais-je mourir ? Inquiétante question que se pose tout un chacun un jour ou l'autre. On peut vivre toute sa vie en se demandant ce qui nous reste de temps. On peut en être obsédé. On peut aussi s'en moquer complètement et se contenter d'espérer. Jeanne Calment, notre doyenne récente, aurait-elle été vraiment heureuse de savoir à l'avance qu'elle allait battre les records mondiaux de longévité ? On peut aussi attendre tranquillement le jour et l'heure, quand on est absolument certain de les connaître. Jusqu'à une époque récente, toute la ville d'Helsingborg en Suède connaissait la présence dans ses murs d'un certain Edwin Ramundsen, un marchand d'articles pour la chasse et la pêche qui était célibataire et sans famille proche. Un jour, Edwin Ramundsen a convoqué son médecin habituel, le docteur Robert Molmonar, pour que celui-ci veuille bien l'examiner. « Vous comprenez, j'ai le cœur qui bat la breloque, alors j'aimerais savoir ce qui se passe exactement. » Le médecin pratique l'auscultation et son stéthoscope se promène un moment sur la poitrine velue d'Edwin Ramundsen. « Bon, vous faites un peu d'arythmie cardiaque, rien de grave, mais enfin, il faut surveiller ça sérieusement. » Avec quelques examens réguliers et le médicament que vous allez prendre dorénavant, vous allez faire un centenaire. Edwin Ramundsen se met à rire, d'un rire franc, éclatant. Vous vous trompez, docteur. Tenez, j'ai 55 ans, et bien je peux vous dire qu'il me reste exactement 18 ans à vivre. 18 ans ? Pourquoi 18 ans ? Pourquoi pas 15 ou 25 ? Seriez-vous atteint d'une maladie incurable ? Avez-vous reçu un tel pronostic de la part d'un spécialiste ? Enfin, à 55 ans, comment peut-on avancer que l'on n'a plus que 18 ans à vivre ? Il ne faut pas se laisser gagner par la dépression. Enfin, cher docteur Molmonar, ai-je l'air déprimé ? Avez-vous déjà rencontré un homme, dans la force de l'âge, qui vous annonce en riant que dans 18 ans, très exactement, il sera mort ? Ben non, non, je l'avoue. Et moi, je vous dis que dans 18 ans, jour pour jour, c'est-à-dire le 27 mai 1970, je viendrai, si je suis encore en vie, ce qu'à Dieu ne plaise. Je viendrai donc le 27 mai 1970 vous rendre visite et vous féliciter de votre bonne santé. Eh bien, si vous passez le 27 mai 1970, vous pourrez vous adresser à mon cercueil. Il sera là, sur deux tréteaux, dans le salon. Espérons qu'il y aura quelques fleurs. Attendez, vous avez l'intention de vous suicider ? En aucune manière. Je tiens bien trop à la vie. Cependant, je serai mort. D'ailleurs, voulez-vous parier ? Le docteur Molmonar hésite un peu. Parier quoi ? Combien ? Edwin Ramundsen allume un cigare et dit : « Je vous parie 1000 couronnes. Que je serai mort sans m'être suicidé à la date du 27 mai 1970. » Le médecin jette un œil sur sa montre calendrier. Puis il dit en martelant ces mots, « Je vous affirme que dans 18 ans, c'est-à-dire le 27 mai 1970, vous serez encore vivant et dans le cas contraire... » Edwin Ramundsen se met à rire. « Et dans le cas contraire, c'est vous qui me paierez les 1000 couronnes. Impossible, puisque je serai mort. » « Attendez, attendez au moins que je vous les paie. Ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les dépenser. » « Vous vivrez encore, Edwin Ramundsen. Je vous paierai les 1000 couronnes et nous irons les dépenser en faisant un gueuleton faramineux. »« Bon, comme vous voudrez. Mais je sais, moi, que je ne serai plus là. Et n'allez pas me demander pourquoi. »« Et si, justement, je vous le demande, pourquoi prétendez-vous connaître 18 ans à l'avance la date de votre mort ? Et pourquoi pas les raisons de votre mort pendant que vous y êtes ?» Edwin Ramundsen secoue la cendre de son cigare. « Pourquoi je connais la date ? C'est un rêve que je fais souvent. Je suis en train de marcher dans la rue, je me vois en train de lire un journal, l'arbre-tête, et je vois très nettement la date, 27 mai 1970. Et alors ? Le fait que vous rêviez que le 27 mai 1970, vous êtes en train de lire le journal du jour, 18 ans à l'avance, n'indique en rien que vous allez mourir ce jour-là, non ? Ah, mais ensuite, ce rêve que je fais régulièrement est très clair. Je vois très distinctement un camion, un poids lourd. Le chauffeur dévale la rue et me percute de plein fouet. Je suis mort. Le docteur Molmonar reste un moment perplexe. Il fait des gestes de la tête comme pour essayer de protester. Mais quels arguments logiques opposés à ce rêve ? Et vous faites souvent des rêves prémonitoires, mon cher monsieur Ramunsen ? Mais justement jamais ! C'est pourquoi celui-ci m'impressionne à ce point. D'un autre côté, je me suis fait une raison. Autant mourir d'un seul coup. Dans mon rêve, je ne vois pas le poids lourd arriver. Je suis trop occupé à lire mon canard. Le docteur Molnar se lève. Bon, ben moi je vous dis que ce rêve n'est qu'un rêve. Et moi je vous enverrai 1000 couronnes le 27 mai 1970, au matin, car je serai mort ce même jour. Un beau matin, le 28 mai 1970. La boutique d'articles de sport reste obstinément close malgré que la foire batte son plein sur les allées toutes proches. On s'étonne. Bizarre que Ramunsen n'ait pas ouvert son rideau de fer. Ce n'est pas un homme à laisser passer la foire sans ouvrir sa boutique. Et si quelque chose lui était arrivé ? Ah, c'est dans l'ordre des choses possibles. Quel âge a-t-il après tout ? Ben, je crois qu'il doit avoir dans les 73, plus ou moins. Ben oui, c'est à peu près ça. Il voulait s'engager dans la Légion étrangère en 14-18, mais il a dû attendre un peu car il était trop jeune au début des hostilités. On frappe encore au rideau de fer, on sonne à la porte de l'appartement qui est juste au-dessus de la boutique. Aucune réponse. Alors on prévient la police, qui fait procéder à l'ouverture. Et pas de doute, Edwin Ramunsen est mort. Et bien mort. Ben, le pauvre vieux, il s'est pas vu partir. Mort dans son lit, en dormant. Au fond, c'est la mort idéale. On s'endort et on se réveille au paradis. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'enterrement ? Qui va payer ? En fouillant, dans le bureau proche de la chambre du mort, on trouve des papiers. Pas de doute, Edwin Ramunsen était un homme organisé. Il avait tout prévu, et même bien davantage que le commun des mortels. On trouve une enveloppe sur laquelle M. Ramunsen a marqué au crayon gras « en cas de décès », comme si quelqu'un pouvait ne jamais mourir. Dans cette enveloppe, un papier indique que depuis de nombreuses années, Edwin Ramunsen est propriétaire d'une concession à perpétuité dans le cimetière communal. Un des voisins, accompagné d'un employé des pompes funèbres, se rend au cimetière et s'enquiert de la localisation de la concession. C'est dans l'allée 18, le carré H. Mais vous allez être surpris. Le gardien du cimetière disparaît sans que les deux autres hommes aient pu lui demander de quelle surprise il peut s'agir. Voyons, nous sommes sur l'allée 18, et voici le carré H. L'employé des pompes funèbres s'exclame. « Oh, mais oui, j'y suis ! C'est bien du célèbre Edwin Ramunsen qu'il s'agit. J'ai entendu parler de cette histoire. Tenez, nous y voilà, regardez-vous-même. » Le voisin s'approche de la pierre tombale taillée dans un beau granit brillant. Tout autour, une herbe verte soigneusement entretenue. Une inscription en lettres d'or figure sur la stèle, on peut lire... Edwin Ramunsen, né le 14 mars 1897, mort le 27 mai 1970. C'est incroyable. Nous sommes le 28 mai, Ramunsen est mort le 27. Comment la pierre tombale peut-elle être déjà en place avec la date exacte de sa mort ? Ah, c'est la question que toute la ville s'est posée. Quand il a fait ériger cette pierre tombale il y a une vingtaine d'années, tout le monde s'est dit qu'il avait un petit grain. Ou bien qu'il était doté d'un sens de l'humour macabre. Mais il n'a fait aucun commentaire. Il a commandé la pierre, il a surveillé la mise en place, et voilà tout. Mais ce n'est pas tout. On raconte que feu Edwin Ramunsen avait parié avec son médecin personnel qu'il serait mort à cette date exacte. Et en effet, le matin de sa mort, Edwin Ramunsen, certain de son destin, s'est rendu à la banque et il a fait effectuer un virement bancaire au crédit de son fidèle médecin, le docteur Molnar. Après ce décès, dont la date a été prévue avec tant d'exactitude, la petite communauté qui s'intéresse à Edwin Ramunsen se pose des questions sur cette prémonition incroyable. Cependant, un détail retient l'attention. En suivant le convoi funèbre de son client, le docteur Molnar, un peu vexé d'avoir eu tort, parle à voix basse avec un autre ami du regretté Edwin. « Il m'a fait un virement bancaire de 1000 couronnes. Il est bien mort à la date prévue, bon !» Mais là où il s'est complètement trompé, c'est dans la manière de mourir. Je me souviens parfaitement de ce qu'il m'avait dit à l'époque. Il se voyait en train de lire un journal tout en marchant dans la rue. Et un camion surgissait avant de l'emboutir. Il m'avait dit qu'il mourrait écrasé, sans avoir le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Or, il est mort chez lui, d'une rupture d'anévrisme. Pas le moindre poids lourd en folie dans sa fin. Mais c'est curieux en effet. Est-ce que ça voudrait dire, par hasard, l'ami qui entre dans le cimetière en compagnie du docteur Molmonard n'a pas le temps de terminer sa phrase. Un camion survient. Le chauffeur actionne son avertisseur. Il se passe quelque chose d'anormal. Les témoins comprennent immédiatement. Les freins ont lâché. Le chauffeur cherche à prévenir ceux qui pourraient se trouver sur sa route. Mais il ne parvient pas à interrompre la course folle de son véhicule à temps. Le poids lourd percute de plein fouet le corbillard qui emmène le cercueil du défunt Edwin Ramundsen. Et sous la violence du choc, celui-ci explose, projetant la dépouille de l'homme qui était tellement certain de la date de sa mort. Les témoins horrifiés, qui voient le corps gisant sur le trottoir, sont tous d'accord. On aurait dit qu'il avait une sorte de sourire ironique.